natif de la ville de BX. J'épargne sur le tas ces résidus qui me trahissent. J'affirme mon style bordelais, c'est trop tranquille. Je vise avec mon masque et soi-disant complice. Mensonge, arrogance, mêlée de méfiance. D'irritable et domptable, mon accent c'est de l'or. Inodore, incolore, je m'efforce sans effort. Une voix de 33 qui me ramène au port. Alors, danger de mort pour tous les conquistadors. Je me fous de ces cons, pour moi c'est la musique que j'adore. Prends garde, laisse le vent souffler vers le nord. Pour la ville du sud, traversée par la Garonne. Fier d'être né au bord de l'eau, ouais c'est vrai. Ce sont inimitables, 100% bordelais. Je cause un peu minable, c'est pas grave, inévitable. La raison de mes syllabes, c'est mon stylo qui les grave, c'est du 100%. 100%. 100% de marée n'est pour nous que le mascaré. La vague incontournable pour les fidèles habitués. Je m'épuise quand je vise ces futurs anarchistes. Cette ville moderniste, à la base je me focalise. Introverti, c'est mon flow qui réagit. C'est non irréprochable de ce son indécis. Tant pis si personne ne suit un 100% natif. N'a nullement besoin, je vous remercie. Tu n'es dans vain, pas besoin d'impurité. L'influx de la rue suffira, c'est certain. Et j'inspire mes soupirs et puis j'expire, je veux les fuir. Sans nuire plutôt bâtir mon palais, non mes désirs. Un son pur sans le 100%, façonné d'un simple d'une pure création. Quasi absent et méthodiquement, je pose mes lyrics et théoriquement. Simplement je libère mon imagination. Totalement absente, une évaporation qui finira peut-être par éclore. Juste une impression qui finira sans doute au pied d'un vieux ponton. 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, Ça vient du sud-ouest, la tempête qui se manifeste sans armée, sans un geste, ça me laisse perplexe. Je divise et puis ces notes lourdes qui jaillissent. Le 100% natif de la ville de BX. Sans état d'âme, je débarque sans mes rames. Voilà l'escale du pilleur verbal. L'indomptable t'as pourtant pas l'incontournable. Une alchimie des mots, résultat c'est du fab. La pure équation fabriquée dans cette région où l'ivresse des notes me rappelle une certaine époque. J'ai vite effacé les marques de mon passé qui resteront cloîtrées derrière les portes de ma cervelle ficelée, bien muselée. Pas un mot, je vous le promets, je resterai natif 100% bordelais.